J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis et l'enfer sont le même endroit. J'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis et l'enfer sont le même endroit. CDI de 8h à 8h, semaine de 48h. Je n'étais qu'un gosse, un rêveur, ce qu'ils appellent un rappeur de Twitter. Je traînais dans les DM de combien de ces belles sirènes que j'invitais à mes clips moi-même. N'oublie jamais ta mission, pour un peu d'amour, un peu d'attention. Surtout si tu ne vis pas encore du son ou de ta passion. Donne-toi les moyens de tes ambitions. Prends soin de toi, trouve un job, arrondis tes fins de mois. Assume-toi, c'est le premier pas. Assure-toi bien de l'amour des gosses, du respect des anciens. Jeunes souvent mangent bien. Garde la tête haute même quand t'es en chien. Et quand tu montes, n'oublie personne en chemin. Je sais que d'avoir ta mère contre toi, c'est plus dur que d'avoir le monde contre toi. Mais j'aimerais tellement que tu vois ce que je vois. J'aimerais tellement te prêter mes yeux que tu puisses voir le feu qui sommeille en toi. Le paradis et l'enfer sont le même endroit. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes. J'aimerais que tu restes en vie. J'aimerais que tu restes en vie.